Mardi 16 septembre, bienvenue à l'aérospatial. Julie Gagné avec vous pour parler art visuel jusqu'à 18h30. Aujourd'hui à l'émission, on discute avec Benoît Perrault au sujet de son exposition « Efficace toute seule » qui est présentée à Engramme. On accueille une nouvelle chroniqueuse, Annie Charlotte Thibodeau, qui est allée faire un tour à la soirée d'ouverture de la rencontre internationale d'art performance. Elle nous fera un retour là-dessus. Également, on discute avec Vincent Roy de l'exposition d'art public « Les passages insolites ». Vous avez certainement remarqué quelques-unes de ses œuvres si vous êtes allé dans le Vieux-Port, à Place Royale, dans le Petit Champlain. Raymond Poirier nous fera sa revue de presse et puis le tout sera ponctué des suggestions de Simon Roy. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ben oui. Cette semaine, Simon, on écoute Third Mind Movement. Oui, c'est un trio de la Russie qui a été formé en 2010. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations à propos du trio. Ils n'ont pas vraiment de présence sur les internets. C'est composé de Malom Torpor, Vladimir Dissonance, puis Arsenic Strychnine. Donc, c'est l'album... Corrosif? Pardon? C'est des noms corrosifs. Ben oui, c'est donc je présente leur album Life is Fine, c'est sur l'étiquette Surism Phono Epics. C'est toutes sortes de trucs, c'est des multi-instrumentistes, donc il y a beaucoup d'échantillonnage, ils utilisent un clavier microcorde, harmonica, bombarde, basse, guitare, des bruits de bouche, violon, donc c'est toutes sortes de trucs mélangés ensemble. Ambiance assez tordante, parfois ça m'a accroché l'oreille. Voilà, ben merci Simon. On va en écouter un extrait, mais je veux annoncer ton émission, c'est dimanche à 20h, Web Musique. Oui, toujours fidèle au poste. Voilà. Depuis combien de temps? Depuis 2007. Ah quand même, ça fait 7 ans. Ben oui, ça passe vite. Mais hein, donc voilà, on écoute, ben merci à toi. On écoute un extrait de la pièce Mama Isn't Pleased sur les ondes de CKRL. De retour à l'aérospatiale, j'accueille Raymond Poirier pour sa revue de presse. Bonjour. Bonjour, Julie. Raymond, tu vas certainement nous parler de l'incendie au Musée de la Civilisation. C'est beaucoup passé sur les médias sociaux, effectivement, en début de semaine, dans les médias également en général, beaucoup d'images, beaucoup de visuels. Je me suis dit, on va plutôt se concentrer sur l'après-coup. On se remet en contexte, donc le Musée de la Civilisation a été touché par un incendie hier après-midi. Seule l'aile est du musée qui a été affectée. Pour l'instant, personne n'est en mesure de se prononcer sur l'origine exacte de l'incendie. Le service d'incendie de la Ville de Québec poursuit évidemment son enquête à ce sujet. Et au moment où des derniers communiqués qui ont été émis, il n'était pas possible de déterminer l'ampleur exacte des dégâts non plus. Mais ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas irrémédiable de ce côté. Alors, toi, tu as été endommagé, mais pour l'instant, l'impression qu'il y en a, c'est que les œuvres elles-mêmes ne l'ont pas été. C'est vraiment une bonne nouvelle, là, parce que qu'on voyait, il y a un feu au Musée de la Civilisation, tout le monde se questionnait, mm-hmm. là, qu'est-ce qui en tout cas. Et finalement, c'est ça, c'est de l'eau puis de la fumée qui ont affecté le salon des visiteurs qui étaient inoccupés. Les salles d'exposition, c'est notre histoire, Première Nation Inuit du 21e siècle, Esprit libre au rez-de-chaussée, la salle en montage Corps rebelle également ont été touchés, mais il n'y a pas d'objets qui ont été touchés par le feu. Employés ont été rapides sur la gâchette hein, pour sauver les objets. Là. Oh oui. Et pour l'instant, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est fermé demain, mercredi 17 septembre. Ça va ouvrir les portes jeudi 18 selon l'horaire normal, mais évidemment, compte tenu des interventions à faire sur l'aile Est, il y a une partie du musée qui ne sera pas accessible. Bien entendu. Sinon, tiens, des nouvelles du domaine des arts visuels au Québec. On recommence l'automne, alors toujours on est dans, un peu comme la semaine dernière dans les nominations qui ont été effectuées. Alors notamment, clin d'œil à Art Prime suite au remaniement des postes et des charges. Survenu de ce côté, ben, le conseil d'administration a annoncé la nomination d'Emmanuelle Choquette au poste de directrice générale, de Marie-Pierre Boquet également au poste de coordonnatrice à la programmation. Alors, Mme Boquet qui détient un baccalauréat en arts visuels et médiatiques, spécialisée en création de livres d'artistes. Elle occupait tout récemment un poste d'adjointe à la direction chez Caravane Sérail à Rimouski, d'ailleurs. Et sinon, du côté de 3e Impérial, eh bien, on a annoncé la nomination de David Beauchamp, poste de coordonnateur au développement national et international. Beauchamp, qui lui s'intéresse particulièrement aux pratiques artistiques infiltrantes et à leur insertion dans le tissu social, c'est un ancien chercheur universitaire. Sinon, on reste dans les nouvelles québécoises, des nouvelles du Gala des arts visuels 2014. Alors, on a décidé de modifier, en fait, le mode de nomination cette année. Donc, l'objectif est évidemment de voir peut-être à modifier, élargir, enrichir le processus de mise en candidature, notamment, en fait, pour le prix meilleure manifestation publique. Eh bien, les organismes diffuseurs sont invités à soumettre leur candidature pour ce prix-là. Donc, la date limite est le vendredi 10 octobre. Il y a un processus similaire également qui entoure le prix Art public qui vise à faire reconnaître le travail exceptionnel d'artistes dont les œuvres sont installées dans des espaces publics ou intégrées à l'architecture. Et il y a également donc possibilité de soumettre des candidatures pour les prix Pierre Ayotte et Louis Comtois également. Date limite de ce côté-là, c'est le mardi 30 septembre. Évidemment, l'information est aussi disponible sur Facebook. Des nouvelles peut-être un peu plus structurantes, en fait, en termes de réflexion face à l'art, notamment réflexion qui est menée de par certains spécialistes, notamment au Rijksmuseum d'Amsterdam, sur les moyens de conservation d'œuvres d'art en regard des moyens d'altération aussi, de l'altération qui est faite par le temps aux œuvres. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est essentiellement que les tournesols, par exemple, de Van Gogh et d'autres œuvres prennent des lourds coups de vieux au fil des années, et on estime du côté du musée que les pays devraient multiplier par 10 les montants affectés à la préservation des œuvres. On estime que les icônes se dégradent et essentiellement on commence à craindre que les œuvres ne soient plus disponibles d'ici quelques générations. On donne l'exemple de Van Gogh. On dit qu'il n'a pas nécessairement eu la main heureuse. Il a choisi pour ses jaunes des pigments industriels nouveaux qui sont révélés par la suite très altérables. Jaune de cadmium qui s'oxyde en sulfate de cadmium avec l'air, qui perd couleur, qui perd luminosité. Et par après, pour ses tournesols, Van Gogh s'était tourné vers le jaune de chrome, mais ça, c'est un pigment qui brunit sous l'effet des rayons ultraviolets, entre autres choses. Et ça, c'est un exemple parmi plusieurs autres. Alors, essentiellement, déjà, ce qu'on voit de ce tableau-là est différent de ce qui était présenté à l'époque, et on imagine que d'ici quelques dizaines d'années, la différence sera peut-être tout aussi marquée. Et évidemment, à un certain point, le processus finit aussi par aller peut-être un peu plus rapidement. Effectivement, parce que là, avec l'industrialisation, les matériaux se sont industrialisés aussi, puis on n'a pas encore la distance pour savoir qu'est-ce qui va arriver avec tout ça. Donc, je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Oui, en fait, pour l'instant, en fait, c'est des travaux aussi qui visent à comprendre des mécanismes de dégradation pour que les peintures soient présentées dans une lumière et une atmosphère adaptées, dans des bonnes conditions hygrométriques aussi, pour diminuer les réactions chimiques. Oui. Mais évidemment, après ça, c'est toute la dynamique aussi de, préservation. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire, comment on devrait le faire, de quelle manière on devrait le faire aussi. Donc, quand même un bon débat. Il s'agit quand même d'œuvres marquantes. Là. Ben oui. Bon. Et sinon, en terminant, rapide clin d'œil, parce que sincèrement, je peux pas en moins de 15 minutes résumer un peu la situation. Mais c'est Canadian. T'es ambitieux, donc? Oui, vraiment. C'est Canadian Art, en fait, qui présente un peu cet élément. C'est une exposition qui avait eu lieu d'un artiste canado-palestinien qui s'appelle Rehab Nazal, du côté d'Ottawa. dans une galerie qui était financée en partie par des fonds publics, une œuvre sur la question israélo-palestinienne, et ça a fait énormément réagir au fil de l'été, des gens qui d'un côté demandaient de fermer l'exposition, demandaient de retirer les œuvres de la vue, des questions sur la nature des œuvres présentées, certains les dénonçaient comme une apologie du terrorisme, bref, d'autres au contraire y voyaient une critique structurée et intéressante de la nature des conflits qu'on voit là-bas, en plus de manière sous-jacente avec le conflit qui a eu lieu réellement aussi de manière plus éclatante peut-être au fil de l'été dernier. Et les journalistes de Canadian Art font un peu le pont entre cette discussion-là, cet échange, ce débat, cette controverse-là, et parallèlement, au bout du compte, le rôle nécessaire de l'art à l'intérieur du débat public, où on dit, regardez, ces débats-là, sont faits pas nécessairement de la manière la plus structurée possible, mais reste que l'exposition, finalement, est devenue porteur d'un débat social structurant et important, en lien avec les politiques étrangères canadiennes, en lien avec la perception qu'ont les gens d'un conflit. Et donc, on dit, regardez, c'est un autre exemple du rôle de l'art dans le contexte social et de l'importance, justement, d'appuyer des projets de ce type. Voilà, Raymond Poirier, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Les liens pour la revue de presse sont disponibles sur l'aérospatiale.wordpress.com. Je mentionne également que les liens pour le téléchargement gratuit des suggestions de Simon Roy. Puis l'émission est disponible en balado-diffusion. Raymond, t'entends vendredi à La Vie en BD? Oui, entre autres, retour sur certaines parutions estivales. Voilà, donc l'invitation est lancée. On s'en va en pause audio, on écoute Counting Rods. Au retour, on discute avec Vincent Roy. Voilà, on est de retour à l'aérospatiale. Vous nous avez peut-être entendu discuter hors d'onde. J'accueille Vincent Roy, directeur général et artistique d'Exmuro. Bonjour. Bonjour. Vincent, il semble que 2014, ce soit encore une grosse année pour Exmuro. Il y a comme plein de projets oui, en cours. Là, pour l'instant, on va discuter des passages insolites, mais on parlera de la pente douce par la suite, parce que là, c'est un gros dossier à venir. Les gens qui sont allés dans ce qu'on appelle le quartier Création. Oui. J'avais jamais entendu ça. Moi non plus. C'est une nouvelle appellation qu'ils ont lancée cet hiver. C'est le quartier, en fait, c'est les associations de commerçants. Le Vieux-Port, Place Royale et quartier de Champlain. Ouais. Ils sont associés, donc ils se sont trouvés un nom, une bannière, quartier Création. Donc là, après ça, ils voulaient qu'on sente la création. Dans le fond. Pour justifier un peu leur nom. Donc, ils ont fait appel à Exmuro pour concevoir... l'idée venait d'eux autres, hein? Je salue leur bonne idée, leur audace aussi. Puis c'est le fun, hein? Ça fait longtemps qu'Exmuro, depuis 2007, pas si longtemps que ça, mais tu sais, on bûche, on envoie des demandes de sub, on propose des projets, on se fait dire non, on se fait dire oui. Puis là, ça arrive, c'est comme une espèce de renversement de vapeur, hein? On fait proposer des projets. Donc, la ville me propose ce projet de ponctuer le quartier d'œuvres d'art. Mais c'est le fun, hein? Parce que justement, tu l'as dit, là, ça fait 7 ans qu'on bûche là-dessus. Là. Moi, quand j'ai su que c'était vraiment un mandat que tu as reçu, je me suis dit, OK, là, ça porte fruit. Oui, puis surtout, ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'on donne une importance à l'art visuel, ouais, à l'art public. Tu sais, on est habitué dans l'espace public d'avoir un volet plutôt spectacle, de la scène, la musique et tout, mais l'art visuel est peu ou pas représenter les projets d'Exmuro, mais quand même, là, on avait un mandat d'amener des gens, de faire vivre une expérience extraordinaire aux gens. Fait qu'utiliser leur public pour ça, c'était flatteur, c'était un beau mandat. Puis ça a bien fonctionné, hein? Moi, j'y suis allée à quelques reprises, puis à tout bout de champ, les gens s'amusaient. Autant les enfants que les adultes, là, c'était comme des mini-parties à chacune des heures, on aurait dit. Effectivement, les gens capotent. On savait pas trop, hein? On sait jamais quand tu t'embarques dans quelque chose comme ça. J'avais quand même choisi des bons artistes aussi, des collectifs d'architectes. Je savais qu'ils étaient derrière de travailler l'espace public, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. Hein. Je me suis fait offrir ce projet-là en mois de mars. Il a fallu signer les ententes et tout. Fait que les artistes, là, 2 mois, c'était vraiment, vraiment très serré. Mais c'était faisait partie un peu du défi là, de création. C'était dans peu de temps de prendre quelque chose d'efficace. Et effectivement, ça fonctionne. Les gens prennent des photos. Ils sont surpris. Puis c'était un peu ça l'idée de base. Il a fallu réfléchir rapidement. Hein, puis l'idée de l'insolite m'est venue rapidement dans le processus. Puis l'idée de la surprise aussi. C'est pour ça que on n'a pas fait quelque chose dans le genre parcours avec des pastilles au sol ou des flèches. Moi, j'ai vraiment... ce qui me faisait triper, dans le fond, c'est que les gens arrivent là sans le savoir, puis que là, ils tombent face à face avec une œuvre, puis ils soient surpris. Donc, c'est ça que cette surprise-là, je pense, ça fonctionne bien. Puis les gens se questionnaient aussi, là. Tu sais, j'ai vu, par exemple, Delirious Frites. Bon, c'est rose, c'est comme des frites de piscine, on appelle ça des nouilles. Ouais. Donc, entre deux murs, un petite ruelle, espace dans le fond, puis les gens voient ça, puis ils font « Hein? Qu'est-ce que c'est? » Puis j'ai vu la réaction. Ouais. Puis là, ils entrent, puis il y a comme cet émerveillement-là de « Wow, c'est beau, mais qu'est-ce que c'est? » Ouais, effectivement. Donc ça a bien fonctionné, là, ton effet surprise. Le contraste, c'était bien important aussi pour moi, parce que là, le mandat, quand même, c'est le Vieux-Québec, c'est le Vieux-Port, tout une aura plutôt... sobre, classique, avec des raffiné, monuments publics. Il y a les galeries d'art traditionnelles, il y a le musée, il y a le Vieux-Québec. En tout cas, c'est fait que, bon, comment on fait ça? Comment on intègre l'art actuel là-dedans? Fait que je me dis, bon, on va y aller à fond, puis on va contraster avec toute la charge historique. Tu sais, les gens, je pense que quand tu veux aller dans le Vieux-Québec, c'est un peu pour ça. Hein? Dans le Vieux-Port, tu vas aller faire une petite promenade historique. Mais là, tu arrives, clash, une œuvre des frites ou l'œuvre de José Luis Torres avec des objets colorés plastiques, les pigeons. Tu sais, il y a quand même un côté vraiment contrastant que j'ai voulu. Je vais faire un jeu de mots plates, mais c'est un dialogue avec l'histoire, finalement. Oui, c'est bon. Peux-tu nous parler un peu de ce qui t'a amené? Parce que là, tu as dit, j'ai sélectionné des architectes parce qu'ils sont habitués de travailler l'espace public, mais tu as quand même cherché un équilibre art visuel et architecte. Tu as fait appel à des jeunes collectifs aussi d'architectes. Qu'est-ce qui a guidé ton choix? C'était justement les jeunes, parce qu'il y avait une préoccupation à la ville, c'était de soutenir la relève aussi, d'avoir un volet relève. Fait que moi, j'ai trouvé mes artistes, disons, professionnels confirmés. Et le volet relève, je me dis, tiens, allons-y donc avec les jeunes collectifs d'architectes. Parce que les architectes, les jeunes ont tendance, en fait, ce que je remarque, à se regrouper en collectif en marge de leur pratique là, d'architecte dans les bureaux, etc. Donc, ils se regroupent, puis ils testent des affaires, ils font des choses. Au Jardin de Métis, par exemple, ils travaillent là. Ou des festivals, par exemple, comme des festivals d'architecture vive en Europe. Donc ici, il y avait comme, en fait, ils ont cette sensibilité-là de rejoindre les gens, d'essayer des choses un peu plus mobilier urbain, quelque chose de plus, un rapport plus physique à l'œuvre, côté pratique aussi, là, que les artistes qui ont un rapport, disons, un peu plus, de conceptuel, qui viennent chercher peut-être nos sensibilités, nos émotions. Donc, il y avait deux versions qui, je pense, qui cohabitent bien quand même, là, les deux mondes. Oui, puis dans tous les cas, tout le monde aussi, les œuvres sont pas une à côté des autres. Hein. On parle vraiment Vieux-Port, Champlain, Place Royale. Donc là, on se déplace. C'est pas un si grand périmètre, mais assez pour que on passe facilement d'une ambiance à l'autre. Oui, et une différente façon de lire une œuvre aussi. Hein. Il y a des œuvres totalement qui vont plus dans le ludisme, là, comme les frites, mais des œuvres porteurs plus de réflexion aussi, comme la suraccumulation de l'œuvre de José Luis Torres et l'œuvre de Laurent Gagnon qui est à la frontière entre le beau et le laid, hein, le menaçant puis le sympathique. Donc, il a voulu jouer vraiment sur ce côté, espèce de une espèce de tentacule. Ouais, ouais, ces mèches noires. Ouais, c'est ça, qui peuvent être un peu dark, là, mais... Mais est-ce que c'est les artistes qui ont choisi les lieux? Je pose la question, puis je t'explique pourquoi. Parce que, justement, Laurent Gagnon, avec ses grandes tentacules, c'est le ouais. stationnement, en fait, là, qui a ouais. comme une façade extérieure, mais qui a pas de fenêtre. C'est un lieu, ouais. quand même, malgré tout, étrange dans cet endroit-là. Est-ce que c'est lui qui a dit, moi, je veux travailler sur ce lieu-là, puis je veux cette idée-là, ou vous avez comme... La plupart, on a fait ça ensemble. Moi, j'ai déjà fait un repérage avant pour sélectionner avec les gens du quartier aussi, les commerçants, puis de dire, ah, quel lieu, que ça serait facilitant, mais on n'avait pas beaucoup de temps, je le rappelle, fait qu'on n'avait pas le temps de faire des demandes de permis. Donc, et après ça, ouais, sélectionner une première sélection de lieux potentiels, après ça, c'était les œuvres, les artistes me remettaient leur devis, puis là, je me disais, ah, cette œuvre-là irait bien là, celle-là, là, pour telle raison. Puis Laurent, on se promenait, puis on n'était pas supposé la mettre là. Mais en revenant, on marchait un peu la tête haute, puis on a vu cette façade-là. Je dis, oh, OK. Il a changé complètement son idée pour l'adapter à ce lieu-là. Donc, l'idée de l'intégration à l'architecture était là pas mal tout le temps. Puis José-Louis aussi, lui, cherchait des façades assez rapprochées ou un point de vue aussi qu'on puisse toutes les voir, ces quatre installations. Donc, vraiment, ça s'est fait vraiment en même temps... Donc, le processus. C'est un peu tressé, là, finalement. Oui, c'est ça. On parle de José Luis Torres, justement. Lui, c'est intéressant parce qu'il y a un contraste, en fait, entre ses œuvres et l'endroit où c'est situé. Beaucoup, parce qu'il y a oui. comme tout du mobilier estival en plastique, ouais. des piscines, toutes sortes de choses. Ouais. C'est vraiment probablement le fait que ça soit dans ce quartier-là qui l'a inspiré là-dessus, j'imagine, hein, d'offrir un contraste. Oui, je pense que c'est ça qu'il avait envie, le contraste, l'accumulation. Lui, il travaillait déjà cette façon de faire. Là, en accumulation d'objets. Là, il s'est dit, bon, un projet estival, insolite, on va parler justement de l'été et de la consommation. Les gens, au printemps, on dirait qu'ils se réveillent puis ils ont dit, bon, mais qu'est-ce qu'on achète pour l'été? Des bidules en plastique, parce que les autres bidules en plastique sont passées date ou sont brisées, sont scrap, parce que c'est de la pas bonne qualité. Donc, il a vraiment joué la game de la surconsommation. Il a raconté son processus. Il a voulu que ça soit filmé. Il se promenait, il va dans les grosses chaînes de magasins, pour pas les nommer, puis... il embarquait du stock. Ah ouais, dans ça, son c'est carrosse, comme le gros débordait. Panier qu'on voit dans les films. Là. Les gens le regardaient, mais les gens aussi avaient ces espèces de carrosses avec plein de bébelles. Donc lui, il voulait un peu contester ça. En même temps, il a fait l'exercice, puis il avait mal au cœur de ah ouais, cette hein? consommation. Puis c'est drôle aussi parce que la réponse des gens. Moi, je l'ai vécu beaucoup en installation. C'est là qu'on a un moment charnière avec les gens parce que les gens me posent des questions puis qu'est-ce que vous faites, on là, voit tout de suite leur réaction. Puis ils disent ah, ça a dû coûter cher, tu sais, tous ces objets-là, parce que les gens sont portés à mettre un prix sur chaque objet puis faire le calcul dans leur tête. Oh, ben OK, ouais. des centaines et des centaines de 50 $, de 25 $, ça fait tant. Mais si l'œuvre avait été en matériaux, en bois ou en acier ou en inox, ben là... C'est plus la beauté de la sculpture, non pas son prix. Là, il y avait un prix sur chaque élément, donc ça donnait une dimension assez intéressante. Ben ouais, puis tu sais, il y a cette dimension critique-là, mais il y a aussi, moi, je trouve quelque chose de ludique là dans cet accrochage-là, ouais. tellement coloré, qui évoque ouais. justement comme, malgré ouais. tous les plaisirs de l'été, là, les enfants, ah, c'est un bac de sable, puis tu sais, ouais. les enfants réagissaient beaucoup à ça. Puis on parlait de ludique, en fait, c'est vraiment quelque chose qui prédomine aussi là dans tout ce projet-là. Oui, j'avais pas envie nécessairement d'y aller trop profondément dans les entrailles de l'être humain. J'ai d'autres projets pour ça qui s'en viennent. Ouais, ça s'en vient, hein. mais celle-là, c'est ça. Je pense que c'est le ludique aussi, le surprenant. Mais quand même, il y a toujours un message aussi en filigrane. Hein. Les artistes travaillent pas pour rien, ils travaillent mais pas non. pour embellir nécessairement. Donc, José Luis, ben lui, on se promène. Ah, c'est le fun, des objets, c'est coloré. Ah, un autre. Ah, c'est le fun. Mais là, au bout de quatre installations comme ça, on commence à dire, ouf, ouais, c'est un peu trop. Tu sais, ouais. c'est là qu'un peu le message arrive. Tu sais, puis. Cooksasville aussi, avec leurs trois énormes pigeons puis leurs cannes de conserve. Ça aussi, au début, c'est ludique, mais après ça, on cherche un sens. Ben oui. Puis c'est là que... Les pauvres pigeons qui trouvent pas comment l'ouvrir, finalement, la boîte de conserve, puis c'est une métaphore de l'art actuel et du public, on Exactement, peut voir. Exactement. L'espèce de d'inaccessibilité de l'art actuel, le réservoir de connaissances aussi qui est emprisonné, qui n'est pas accessible au petit peuple. Il y a la nourriture aussi. Hein. Mm-hmm. Le canne de conserve, c'est de la nourriture. Les pigeons qui se contentent de miettes par terre. En tout cas, il y a tout des parallèles à faire avec ça, assez intéressant. Quand les gens prennent la peine aussi hein, de se poser la question, de se questionner. Mais... Ben oui, après le sourire, on réfléchit, là. C'est ça l'idée. Oui, puis surtout des œuvres comme ça, que à prime abord, le sens, il y en a comme Il y en a comme pas, fait que c'est pour ça qu'on en cherche un. Ben ouais. C'est pour ça que ça fonctionne quand même assez bien. Là. On pourrait parler encore longuement hein, des œuvres, des passages insolites présentés dans le quartier Création jusqu'au 18 octobre. Mais oui. Vincent Roy, j'aimerais parler parce que là, si on se promène minimalement en ville, Hauteville, Basseville, on a certainement vu la côte de la Pente douce. Là, oui. Vous êtes en train de créer une galerie finalement ouais. sur cette pente-là. Ouais, ça fait une couple d'années que ça me... Ça me travaille, cette côte-là, puis j'essaie de... On avait fait un projet avec Charles-Frédéric Ouellet. Oui, Nouveau-Île. Oui, c'est ça. Puis, ça avait assez bien marché. J'avais bien aimé l'intervenir sur ce mur-là. Mais là, si tu trouvais ça grand... Fait que là, c'est pour ça que j'ai pris le temps. Puis avec la ville, encore une fois, on a trouvé des façons de faire comme pour un lieu aussi. Parce qu'avec ce mur, tous ces projets, c'était pas très récurrent. Hein. C'est là un certain temps. Temporairement, puis après ça, oups, on passe sur un autre projet. Mais là, ce qui était nécessaire pour Ex-Muro, je pense qu'on était rendu là, d'avoir un lieu où est-ce qu'on pouvait avoir de la récurrence, c'est-à-dire offrir une programmation à chaque année, qu'on n'ait pas à réinventer tout à chaque fois. Ça fait que là, ce lieu-là, c'était parfait. C'est un gros mur de béton horrible ouais, là, un à peu la base. Ingrat, là, fait que c'est comme le fun. Là, de... Oui, c'est un beau canevas de base. Puis il était quand même graffité, tagué, mais pas très bien exécuté parce que... Pas ambitieux, mettons. Ben, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que les gens n'avaient pas beaucoup de temps pour faire leurs œuvres parce qu'ils sont à découvert. Donc, ils allaient très, à la va-vite. Ça fait qu'on a voulu quand même, avec cette expo-là, j'ai dit tant qu'à inaugurer cet espace pente douce-là, ce mur-là, on s'est aussi mis d'y aller avec une réflexion sur l'art urbain, le street art, le graffiti et l'art actuel. Donc, mélanger tout ça pour voir comment cohabitent ces deux formes d'art-là, le graffiti dans l'art et l'art du graffiti, est-ce que le graffiti est un art, comment l'art actuel s'approprie du graffiti, en tout cas tout ça est mélangé ensemble avec des artistes justement issus des arts actuels et du graffiti. Et là, j'imagine qu'il va y avoir un vernissage, une inauguration officielle. Oui, le 3 octobre. On va annoncer ça bientôt. Tu vas recevoir un autre communiqué de presse. Voilà. On a commencé à annoncer l'espace Pente douce, oui. Qui est là, c'est la galerie à ciel ouvert dont tu parlais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va revenir. J'essaie de le renouveler peut-être aux 2 ans, peut-être à chaque année aux 2 ans. On va voir comment ça va vieillir aussi. Mais les structures vont rester là. Là, on a peint le mur en noir pour affirmer vraiment qu'il y a quelque chose de fort. Ensuite, l'éclairage. Il va avoir des boîtes lumineuses aussi, des œufs. Donc, il y a vraiment un mélange de... Puis ça va rester. Ça, c'est des structures qui vont être permanentes. Eh bien, on a bien hâte de voir ça. Vincent Roy, merci beaucoup. Merci à vous, ça fait plaisir. Donc, on s'en va en pause. Au retour, on discute avec Annie Charland-Thibaudeau. Pour son numéro d'automne, le magazine culturel et artistique Bazar nous parle du théâtre québécois et de ses succès à l'international. Parce qu'étonnamment, le Théâtre de Québec semble être bien connu et que la ville abrite une mine de talents insoupçonnés. Connaissez-vous Jean-Nicolas Marquis, Kevin McCoy et Marie-Josée Bastien? Pour découvrir leur vision artistique ainsi que celle de nombreux autres ambassadeurs de notre théâtre, lisez Bazar. Disponible gratuitement chez 300 partenaires participants. Pour plus d'infos, bazar.qc.ca. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. Prochain match, dimanche 26 octobre, 20h, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5$. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez Aventurier voyageur Birmanie, Lulu femme nue, Opéra national de Paris La Traviata, La rencontre internationale du documentaire à Québec présente Le baiser de Tosca, Un loup derrière la porte. Aussi, à ne pas manquer au musée de la civilisation, Un loup derrière la porte, Lulu femme nue. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Disponible dès maintenant, la quête de septembre présente des portraits de famille pas comme les autres. De la famille homoparentale à la famille nationale, de la gang de rue à la famille démolie, le magazine La Quête jette un regard sur les foyers bien particuliers. Cette édition de La Quête contient un cahier spécial sur la Corporation de développement économique de Québec, la CEDEC. Découvrez un organisme qui, depuis 20 ans, collabore à faire des quartiers centraux de Québec des milieux de vie de plus en plus dynamiques et solidaires. La Quête, vendue sur la rue par des personnes exclues du marché du travail, est disponible sur les principales artères du centre-ville de Québec. Visitez notre page Facebook, La Quête, magazine de rue. Le 19 septembre prochain, la Ninkasi MR événement présente le Smokehouse ou Pif à la Ninkasi. Le temps d'une dégustation en formule 5 à 7. 5 bouchées faites maison par le chef seront accordées avec les bières disponibles sur les pompes de la Ninkasi. Michel Marcoux sera sur place pour animer la dégustation. Le 19 septembre, c'est le Smokehouse ou Pif à la Ninkasi en formule 5 à 7. Billets en vente sur lepointdevente.com, la Ninkasi du Faubourg, 811 rue Saint-Jean, laninkasi.ca. Demain dès 17h30, écoutez l'émission en direct du Sacrilège, présentée au Sacrilège. C'est évident. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% à chaque fois que vous faites un achat chez Seb's Tea et Lounge au 67 René Lévesque Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Il est 18h, on entame la deuxième et dernière demi-heure de cette deuxième émission de la saison automne 2014 de l'aérospatiale. Vous voyez comme j'aime être précise et nous situer dans le temps. Julie Gagné, toujours avec vous, accompagnée de Jacques Gignac à la mise en onde. Et on est rejoint à l'instant par une nouvelle collaboratrice à l'émission, Annie Charland-Thibaudeau. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci, toi aussi. Première chronique à la radio, pas trop nerveuse? Non, ça va bien, merci. Voilà. Annie, écoute, je t'ai mandatée pour aller à la rencontre internationale d'art performance. Oui. La fin de semaine dernière, tu es allée à la soirée d'ouverture le jeudi. Oui, exactement. Donc, c'était le début de la 18e édition de la Rencontre internationale d'art performance. Jeudi, le 11 septembre dernier, c'était la soirée Canada avec des artistes de Regina et de Victoria comme John G. Bohème, Robin Poitras, Judith Price et Gary Varro. Donc, c'est Gary Varro qui a ouvert cette soirée-là avec une performance dans laquelle il s'adonnait à une relation sexuelle avec un camion blanc. Donc, il y avait de belles images dans ce travail-là, mais principalement au début pour ma part. Un camion blanc, j'étais pas là, je le précise. Oui. De quel format? Un gros camion? Le gros camion. Okay. Donc, vraiment du gros travail d'amener ça juste à l'intérieur. Et donc, au début, M. Varro était vêtu d'un sarrau blanc, couché sur le dos sur une planche à roulettes, puis parcourait l'espace, donc en roulant en dessous du camion, puis en parcourant donc l'espace autour, toute la bulle du camion. Avec lenteur, donc vraiment très doucement, avec des lampes torches dans ses mains. Okay. Donc, la salle était dans une presque obscurité. Puis, très doucement, donc, il explorait cette bulle-là en balayant la salle du faisceau lumineux de ses lampes. Donc, cette image-là était très jolie. Puis, suite à cette exploration-là, donc, il s'affairait à apprivoiser le camion en étapes. Donc, d'abord entrer dans les ailes au-dessus des roues, puis ensuite la boîte arrière. Donc, vraiment un processus long rempli de codes et d'images qui progressent pour suggérer l'acte sexuel, en fait. OK. Donc, une métaphore quand même assez puissante, assez, malgré oui, tout, du rapport qu'on entretient avec nos objets de consommation. Oui, exactement. Aïe, puis, aïe. après la pause, donc le temps de vider la salle, évidemment, du camion de M. Varro, on a laissé place à John G. Bohème, qui, lui, a occupé l'espace en un cercle, ponctué de clowns souffre-douleur à gonfler. Donc, après avoir dûment rempli chacun des clowns de son air, l'artiste les a approchés, puis il se mettait à leur crier des insultes. Puis il s'est mis à manger des graines de tournesol dont il crachait les écailles, donc sur les clowns, vraiment pour prendre position face à eux, les intimider. Puis il allait même jusqu'à rejoindre des gens dans la salle, offrir des graines de tournesol comme pour aller chercher des adeptes à son mouvement. Est-ce que ça fonctionnait? Il y a des gens qui étaient à l'aise de refuser quand même. Okay. Mais il y a des gens qui en prenaient, mais personne s'est adonné à cracher aussi sur les clowns, mais les gens quand même prenaient peur un peu. Puis il y avait... en fait, ça montait sans cesse jusqu'à ce qu'ils se mettent à frapper les clowns tellement fort que ceux-ci se détruisent. Il y avait vraiment une ambiance particulière qui se dégageait dans ces moments-là. La colère était tellement urgente chez le performeur aussi qu'on se demandait un peu jusqu'où ça allait aller. Puis étrangement, on se sent témoin, donc un petit peu impliqué dans la montée de cette crise-là. Donc l'ambiance était vraiment très différente du premier. Puis toute la soirée, c'était une soirée qui allait dans plein de directions, en fait, ce qui était intéressant. Puis, un peu plus tard, c'est l'artiste Judith Price qui a pris place pour offrir ce qui était, pour ma part, ma performance coup de cœur de la soirée. Ah ouais? Donc, en fond, on entendait ce qui semblait être l'extrait sonore d'une vidéo d'exercice. Puis, l'environnement était meublé uniquement d'un projecteur ouvert et d'une chaise berçante. Puis, l'artiste s'est mis à dérouler une pellicule blanche assez large au sol. Puis, comme encouragé par la vidéo d'exercice qui scandait des « You can do it », puis des noms de séries à faire, elle a sorti des sacs avec des diapositives qu'elle lançait par poignée, assez généreuse, dans la salle. Puis le projecteur ouvert, lui, frappait d'un jet lumineux un des murs de la salle aussi, donc la tombée des diapositives, puis le jet de pluie aussi, c'était vraiment une image qui était très, très belle à ce moment-là. Puis le sol, couvert de diapos, elle se penche, puis elle en choisit certaines qu'elle tente de déchiffrer à haute voix, mais sans vraiment y arriver. C'est comme si elle ne reconnaissait plus les visages, les paysages. Ah, puis elle, à ce moment-là, elle était vraiment plus vulnérable qu'au départ où il y avait une certaine force avec l'encouragement de la vidéo aussi. Donc, elle se met à approcher des gens qui sont dans la salle, puis donner des diapos pour que les gens l'aident à lire. Mais les gens sont pas capables non plus parce que les diapositives sont vides. Donc, c'est seulement le carré de carton blanc autour, sans image au centre. Donc, après, ben un peu comme à bout de souffle, elle finit par prendre la pellicule qu'elle avait déposée au sol, puis à s'enrouler dedans. En comptant les tours qu'elle fait sur elle-même, donc pour rappeler encore les encouragements de la vidéo d'exercice à haute voix. Donc elle se met à recouvrir son corps, ses épaules, jusqu'à sa tête, en comptant toujours plus fort, puis en grognant toujours plus les chiffres. Puis elle finit par quitter la salle complètement recouverte de sa pellicule, en grognant un dernier tour sur elle-même. Ah ouais, c'est fort comme image. Ouais, non, ça fonctionnait très, très bien. Puis depuis un moment, la démarche artistique de Judith Price se penche sur les effets physiques et psychologiques de l'âge à travers un travail qui est aussi multidisciplinaire. Donc, elle travaille tant en vidéo qu'en performance ou en installation. Puis tout ça, ça paraissait aussi visuellement dans comment elle a orchestré sa performance. Puis ce qui fait aussi, moi, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié son travail, c'est qu'elle prenait vraiment tout l'espace ce soir-là. Elle utilisait vraiment bien l'espace de la salle. Comme cette édition-ci prend place à la salle multi de Méduse, le territoire offert est vaste aussi, là. C'est pas la même plateforme que des éditions précédentes. Puis Judith a vraiment su l'exploiter bien, donc entre autres avec le projecteur puis avec l'espace qu'elle parcourait bien. Est-ce qu'elle avait beaucoup de gens? Je dirais quand même. Mais c'était pas... ça semblait pour moi peut-être un peu moins plein que d'autres éditions, mais comme la salle est plus grande, c'est peut-être simplement une perception. Exactement, un jeu de perception. Mais c'est ça, en fait, c'était vraiment mon coup de cœur, puis aussi parce que les images étaient vraiment poétiques, puis honnête, là, ça avait un côté très, très humain. Et finalement, pour clore la soirée, c'était l'artiste Robin Poitras, donc une femme dont la pratique performative est assez teintée quand même de la rigueur de son travail en danse. Donc, c'est une artiste qui travaille avec qui travaille beaucoup en danse contemporaine aussi. Puis, elle a offert un moment maîtrisé dans les moindres détails. Là. C'était vraiment... Ah ouais? C'était très, savamment très... orchestré. Exactement. C'était des images très précises. Donc, au départ, le travail débute par un plan lumineux assez large où on voit l'artiste peindre un X de miel collant avec un rouleau à peinture sur un des murs noirs de la salle multi. Donc, elle se déplace ensuite un petit peu à distance, puis la lumière se resserre sur elle. Donc, on a un plan plus petit qui borde l'artiste qui est agenouillé devant une chaudière de miel, puis près de deux petites échelles. Donc, après un moment agenouillé devant le seau, elle plonge sa tête dedans, puis elle relève son cou en portant le seau sur sa tête, laissant couler lentement le miel sur tout son corps, en restant toujours agenouillée. Donc, à ce moment-là, on reste assez suspendu jusqu'au moment où on entend prendre son premier souffle dans cette situation qui est assez contraignante. Ben ouais. À ce moment-là. Puis, elle retire le seau de sa tête et est complètement couverte de miel collant. Puis, elle se relève à l'aide des deux petites échelles qui étaient à distance, en posant aussi chacun de ses pieds sur le premier échelon. puis elle se met à les utiliser un peu comme des échasses pour quitter l'étendue de miel qui est au sol puis qui l'aborde par terre. Et en se déplaçant comme ça, ses déplacements laissent une traînée comme un arc de cercle au sol de miel. Puis cet arc-là se termine devant le X qu'elle avait peint au début de la performance. Ah ouais, hein? Puis devant ce X-là, elle se laisse pendre les bras maintenus sur le premier échelon des échelles. Puis elle reste là un petit moment qui fait une image assez forte à ce moment-là aussi. Puis tout le long, c'est vraiment des gestes très, très réfléchis dans les moindres angles. On voit vraiment que c'est un travail très esthétique. Puis c'est comme si on se sentait face aux deux côtés d'une même situation. Donc au départ, l'artiste qui est en contrôle complet de l'étendue du liquide, qui fait un geste bien orchestré avec soin lorsqu'elle applique au rouleau, puis plus tard, elle se retrouve submergée à subir comme l'étendue contraignante de ce liquide-là. Puis là aussi, encore, c'était un beau travail visuel, évidemment, qui résultait d'un bel amalgame de disciplines de travail, au même titre que Judith Price, qui a terminé, évidemment, la soirée sur une très belle note. Ben voilà, Annie, Charlotte Thibodeau, tu as apprécié ta soirée. Oui, exactement. Puis en plus, il reste encore une belle semaine qui s'en vient pour Ben oui, effectivement, ce jeudi, je vais en parler tandis qu'on est là. Ce jeudi, c'est la soirée Canada, donc une soirée Calgary et Winnipeg. Vendredi, ce sont les Norvégiens, donc qui seront présents. Samedi, c'est la soirée cubaine, donc assez diversité encore cette semaine. Mm. Puis on rappelle que dimanche, à 20h, il y a une conférence. Oh là là, je ne suis pas trop certaine d'aller. Oui, 13h, oui. C'est ça. J'ai fait un copier-coller sur le site. Oui. J'ai du mal à copier-coller mon information. Donc, à 13h, il y a donc une conférence. Une conférence au lieu cette fois-ci. Voilà. Ben merci beaucoup, Annie. Ça fait plaisir. On s'en va en pause audio. On écoute un extrait de la pièce « Eight Legs ». On vient d'entendre un extrait de l'album « Life is Fine, The Third Mind Movement ». C'est une suggestion de Simon Roy. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les liens pour le téléchargement gratuit des sélections audio sur le site laérospatiale.wordpress.com, également les communiqués, les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier et, bien entendu, l'émission est disponible en balado-diffusion. Probablement à partir de demain ou après-demain. En attendant, vous pouvez aller sur le site ckrl.qc.ca. Pendant cette émission, on a discuté performance, on a parlé art public. Maintenant, on se tourne du côté de l'estampe avec Benoît Perrault. Bonjour. Bonjour. Tu exposes en Gramme l'exposition Efficace toute seule. Oui. Peux-tu peut-être nous présenter d'une manière très, très large cette dite exposition? En fait, cette exposition-là regroupe des essais à partir d'estampes. Je parle d'essai parce que j'ai plusieurs types d'assemblage. On parle d'une installation faite à partir d'estampes. Je travaille principalement la gravure sur bois. Donc, je présente un allée mini-pot. Ouais, ça, c'est assez... Avec ce que je dirais, c'est un peu un prétexte au paysage, si je peux dire, un assemblage. assemblage non loin du pop-up card. Donc, on retrouve un petit paysage des éléments qui sont faits à partir de mes gravures sur bois, de mes estampes. Ensuite aussi, des tableaux qui sont inspirés des pop-up cards avec, évidemment, toujours mon travail en gravure sur bois. Ce qui m'intéresse dans ce médium-là, c'est la texture, les traits, et je dirais en fait que c'est mon thème principal, c'est la gravure sur bois. Oui, c'est ça. On le sent vraiment là, que l'exposition discute de ça. Tu as parlé de l'allée de Minipot, j'ai envie de te relancer oui. là-dessus. Tu parles de prétexte, de paysage, mais qu'est-ce qui t'a amené spécifiquement au Minipot? Je dirais que c'est l'aspect ludique, le jeu. Je pense que c'est un des meilleurs enseignements que j'ai reçus. J'ai eu envie de transposer par une installation. Et puis, de façon tout à fait aléatoire, j'en suis venu à l'idée de travailler avec un allée de Minipot transportable, avec des gravures intégrées. On parle aussi d'un mécanisme, puisque je travaille un peu la lutherie expérimentale. Ben ouais. Donc, on a un mécanisme, œil magique, qui active une petite guitare trafiquée aussi, qui est reliée à un ampli qui est trafiqué aussi. Auquel souvent j'applique des impressions à partir de mes gravures toujours. Alors c'est vraiment un assemblage hétéroclite qui réunit vraiment alentour de ce thème-là. T'as pas dit par contre que c'est quand la balle est dans le trou que tout ça s'active, et ça, qu'on soit un expert ou que ça nous en prenne 18 des trous, on réussit puis on a notre récompense au terme de tout ça. Oui. Dis-moi Benoît, bon, le mini-pot, ça reste quand même quelque chose qui appartient à l'univers kitsch, la culture populaire. Oui. Tu sais, j'ai trouvé tout à fait des grandes impressions qui font très décoratives sur un papier brun. Tu utilises le bois contreplaqué également comme support pour tes œuvres. Ouais. J'ai l'impression que le kitsch prend quand même une place assez importante. Absolument. Je pense que j'ai toujours été animé par cet univers-là. Va savoir pourquoi. Je pense que dans mes premiers exercices à l'université, je commençais déjà à bouquiner des vieux journaux, des images catchy ou des trucs assez légers, assez comiques. Et même sur des images finalement plus dures, parce que quand on parle de gravure sur bois, c'est quand même qu'une texture a des traits assez rigides, assez donc c'est noir et blanc, très assumé. Donc j'ai aussi des figures qui sont un peu trash, mais j'ai toujours cette tendance-là à y projeter quelque chose de ludique, essayer d'amener aussi un troisième niveau à l'image, je pense, en l'agençant avec des choses qui n'ont pas nécessairement toujours un lien évident. Oui, d'ailleurs, tu parles, je pense que c'est sur ton site que j'ai lu ça à quelque part, où tu dis que tu es intéressé par la BD, mais que tu ne tiens pas à raconter une histoire, oui, mais plutôt ça. À développer plusieurs scènes, une à la suite de l'autre, et tenter de découvrir ce qu'on peut lire entre les lignes. C'est un peu ça aussi, là, dans l'exposition. Exact. Et, voyons, j'avais ce que je considère comme étant une très bonne question que j'ai perdue en cours d'autre. Ah oui, c'est ça, j'ai senti en regardant l'exposition que tu as envie de dérider un peu le monde de l'estampe. Oui, je pense que oui. En fait, je pense que mon côté critique par rapport à mon domaine commence à prendre place, commence à prendre position finalement sur un médium personnellement, on m'a enseigné comme peut-être plus chic, un peu plus des éditions limitées, qui respecte toujours le code d'éthique de l'estampe, finalement, pour avoir des éditions limitées avec les encadrements, quelque chose de plus chic, finalement. Et puis, moi, avec la gravure sur bois, ou même on peut parler de sérigraphie aussi, pour moi, c'est deux médiums qui sont des médiums de masse, finalement, que j'aimerais utiliser. Justement, comme vous allez voir, les tapisseries, l'art décoratif, tout ça rentre en ligne de compte, finalement, pour essayer d'amener dans ma production personnelle, puis dans mon discours aussi, peut-être cet aspect-là qui est peut-être un peu moins en vue sur le côté académique. Oui, puis on voit aussi, je trouve, les différents aspects de l'estampe dans l'exposition. Donc, on a la pièce unique, on a la série, on a comme un assemblage, etc. Donc, la réflexion, elle semble assez ancrée là, depuis un certain temps aussi. Oui, je pense que c'est principalement là-dessus que je me suis penché depuis 5 ans, les 5 premières années de carrière, de jeune carrière, finalement. Et puis, tranquillement, j'essaie d'intégrer, j'essaie d'écrire un peu sur ça, essayer de mettre des mots, finalement, à ce que je fais en art de façon aléatoire. Et je pense que aussi, quand on me demandait durant l'exposition là, quel est le lien entre toutes ces figures-là, je peux pas en faire d'autre que celui de la gravure, parce que je me retrouve aujourd'hui avec des tonnes de plaques que je peux utiliser, réutiliser finalement sous plusieurs prétextes. Je pense que c'est ça que j'essaie de faire aussi, d'utiliser le stand, la gravure sur bois, pour, dans mon cas, à différents niveaux, même le film d'animation. Oui, c'est ça, parce que là, il y a un film d'animation en stop motion. Je trouvais ça intéressant parce que c'est pas la première fois que t'en fais. Je voyais dans le stop motion un peu le geste de l'artiste qui fait de l'estampe, donc qui fait, qui répète ensuite, qui replace, qui répète. Puis je trouvais qu'il y avait un lien entre les deux. Est-ce que c'est quelque chose qui t'attire justement dans le stop motion? Oui. En fait, c'est principalement là-dessus que je me suis basé pour commencer un projet il y a 3 ans via une bourse du Conseil des arts et des lettres qui m'a permis finalement de faire toutes sortes d'expérimentations à partir de l'estampe, de la gravure sur bois, ses impressions, les matrices, des choses que j'avais déjà fait, des choses que j'avais jamais fait non plus, comme le premier bloc dans mon film d'animation, la courte séquence finalement, c'est un court extrait que je monte dans les... Ouais, avec le troupeau de bisons, hein? Ouais, c'est ça. Donc, parce que je fais plusieurs montages avec ces stop motion-là, ces différents blocs, finalement, différentes expérimentations, différents sujets, très aléatoires aussi, toujours comme fidèle à ma démarche. Et puis, ça a donné comme une banque d'images assez intéressante avec laquelle là, je suis en train de jouer, justement, remâcher, un peu comme j'ai fait pour mon exposition, remâcher des anciennes matrices. Eh bien, là, je reviens sur le montage pour faire d'autres séquences de stop motion avec trame sonore, parce que je fais de la musique et tout ça. Tu as parlé d'aléatoire. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé dans un décor. Tu écris la phrase « Danser consiste principalement à suivre la musique avec les mouvements de son corps. À défaut de connaître les mouvements d'une danse en particulier, on improvise. Le choix de mes sujets ne s'explique pas autrement. » Je sais pas, j'ai trouvé que j'avais l'impression de voir que ça résumait en fait l'exposition, mais en même temps, c'est comme si tu disais, ben tu sais, cherchez pas l'intention plus loin que celle qui est énoncée ici. Oui, je pense que j'aime aussi amener le spectateur à voir plus loin que ce qui est donné à voir, mais à prime abord, je pense que pour les figures, ce qu'elle peut signifier, par exemple... le ballerin barbu ou ça. Ouais. Je veux pas rentrer non plus dans essayer d'expliquer le choix de ces images-là, puisque comme je le dis, très honnêtement, c'est souvent très aléatoire le choix de ces images-là. Et puis, je pense que j'ai envie dans ma démarche, dans mes expositions, de jouer de façon très libre avec ces figures-là, finalement. Tu parles de jouer, je trouve que ça ressort beaucoup, en fait. Là, on a vraiment l'impression que tu t'amuses là, dans ton atelier. Ouais. L'exposition s'appelle Efficace toute seule. C'est une question en deux volets. Premièrement, Efficace toute seule au féminin. Puis deuxièmement, ben tu te poses un peu comme un homme orchestre, hein, comme on voit là sur une des estampes. Oui, ben en fait, Efficace toute seule, j'ai décidé de jouer sur l'orthographe parce que j'ai un projet d'homme orchestre qui s'appelle Efficace toute seule. Okay. Et puis présentement je suis en rodage et puis j'ai à avoir un premier concert au mois de novembre, et peut-être avant, peut-être au mois d'octobre. Je voulais faire un lien, je pense, avec cette démarche-là qui était très orgueilleuse, je trouve, musicalement. Et puis, en art visuel aussi, je pense que j'ai cet orgueil-là d'essayer de... pas d'être tout seul, en fait, parce que aujourd'hui, je commence à m'entourer de gens, par exemple, l'œil magique, puis tous les mécanismes. Ça, j'ai eu un coup de main pour ça, puis c'est une collaboration qui va évoluer. Donc, j'avais envie de faire un clin d'œil là-dessus, finalement, de cette espèce d'orgueil-là. Où est-ce que ça m'a mené aujourd'hui, justement? Ça explique un peu aussi l'aspect artisanal de mes trucs. Et voilà. Ben, Benoît Perrault, je te remercie. Merci à vous. Donc, l'exposition Efficace, tout ça, est présentée en Gramme jusqu'au 5 octobre. Oui. On fait une courte pause audio. On écoute Glove sur les ondes de CKRL. L'aérospatiale tire déjà à sa fin. Avant de terminer, je vous invite à un événement qui a lieu virtuellement, en fait, demain, mercredi 17 septembre. C'est l'événement Ask a Curator. Donc, c'est le Musée national des beaux-arts qui participe à cet événement-là. C'est un événement sur Twitter. Donc, vous pouvez poser des questions à différents conservateurs du Musée national des beaux-arts du Québec, dont Evelyne Baudry, conservatrice de l'art contemporain, Daniel Drouin, conservateur de l'art ancien avant 1900 et responsable de la collection Henri Inuit, Anne Espachas, qui est directrice des expositions et des publications scientifiques, Bernard Lamarche, conservateur de l'art actuel, et Maude Lévesque, responsable de la collection Près d'œuvres d'art. Donc, vous pouvez leur poser une question sur Twitter en écrivant à commercial MNBAC ou encore en ajoutant le hashtag AskACurator en un mot. Donc, vous pouvez leur poser la question. Ils vont vous répondre, en fait, dans le format prescrit par Twitter. C'est l'occasion d'avoir accès directement aux conservateurs, de leur poser les questions les plus folles que vous pouvez imaginer. Ça vaut la peine. Les conservateurs, ils sont prêts et ils vous attendent. Et finalement, jeudi 18 septembre, 5 à 7 de la résidence d'Anthony Di Furia à la Chambre Blanche. Et bien entendu, ne manquez pas la rencontre internationale d'art performance qui a lieu jeudi, vendredi et samedi à 20h à la salle Multi à Méduse et la conférence discussion qui a lieu à 13h au lieu. Sur ce, je remercie Jacques Gignac pour la mise en onde. Je remercie mes invités et collaborateurs. Je vous souhaite une bonne soirée avec Jules Chaumel et son Folk d'Amérique.